Chapitre 15e, le trésor des montagnes rocheuses. Le docteur Cabarrox, par un sentiment facile à comprendre, n'avait pas voulu quitter le chef Comanche avant que sa blessure fût complètement guérie. Ce moment arrivé, il se rendit auprès de lui pour lui faire ses adieux. Le jeune duc de Clodion, qui de son côté tenait à exprimer une dernière fois sa vive reconnaissance à l'Indien, avait accompagné le docteur. « J'avais promis de garder l'homme pâle aussi longtemps qu'il serait privé de sa raison, » répondit le chef. « Aujourd'hui qu'il l'a recouvré, le contrat cesse et l'ami de mon sauveur peut partir. » Jean se disposait à se retirer, l'Indien l'arrêta par un geste. « Le maître de la médecine, » continua-t-il en désignant Cabarrox, « m'a appris que son ami allait se rendre en France. »« En effet, » dit Jean, « eh bien, il y trouvera son ancien compagnon de captivité, son ennemi et le mien. »« Que voulez-vous dire, chef ?» demanda le jeune duc avec surprise. « L'homme qui a assassiné son père et qui a enlevé ma fille. »« Mon père a été assassiné ?»« Oui, » reprit Cabarrox. « Vous souvenez-vous de Job ?»« Cet ancien trappeur qui a disparu pendant la nuit où mon père est mort. » »« Eh bien, Pedro Diaz a découvert que ce Job n'était qu'un certain capitaine Maresco. »« C'est en effet le nom du ravisseur de ma fille, » interrompit l'Indien. « Et moi, » poursuivit le docteur, « j'ai eu la preuve de son crime. » Il apprit alors au jeune duc comment l'empoisonnement avait lieu au moyen d'une dent de Copperhead. « Mais quel a été le mobile de ce lâche attentat ?» demanda Jean de Clodion. « Pedro Diaz est convaincu que ce Maresco a eu pour complice la maîtresse de votre frère, la créole Carmela. Pedro aurait-il soupçonné un parricide ?»« Don José ignorait cet épouvantable crime, » répondit Cabarrox. « Que Dieu soit loué !» murmura Jean, dont le visage était inondé de grosses gouttes de sueur. « Chef, » dit-il à l'Indien, « en vengeant mon père, je vengerai également l'affront qui vous a été fait. »« Mon frère ne me comprend pas, » repartit le lynx des prairies. « Il faut qu'il me livre mon ennemi, afin que je l'attache au poteau du supplice. C'est la récompense que j'attends de mon frère pour sa raison et sa liberté recouvrée. »« Je vous le promets, » reprit le jeune duc. « Bien, je ne serai pas ingrat envers mon frère. Lorsqu'il retournera chez les hommes de sa couleur, il se verra le plus misérable d'entre tous, puisqu'on s'est emparé de ses biens. Et il faut qu'il soit riche, pour qu'il puisse chercher partout, et jusqu'à ce qu'il le retrouve, le ravisseur de ma fille. « Ah, je le retrouverai sans cela, je vous le jure !» s'écria Jean. Le rio qui coule auprès de mon camp charrie ce sable d'or que plusieurs fois les visages pâles sont venus recueillir, continua l'Indien. « Mais ce qu'ils ignorent, c'est l'endroit mystérieux d'où proviennent les paillettes précieuses qui les charrient. Et lorsque je l'aurai indiqué à mon frère, il sera le plus riche de tous les siens. Demain, je lui donnerai 7 de mes guerriers, avec 7 chevaux, et tout ce qu'il pourra emporter d'or sera à lui, en échange de mon ennemi qu'il s'est engagé à me renvoyer. » Puis, s'adressant au docteur, il ajouta, « Le maître de la médecine sera accompagné d'un guerrier et d'un cheval, je veux qu'il ait sa part du trésor. » Le reste de la journée ne fut pas perdu pour Cabarrox. Il avait remarqué dans ses excursions sur les bords du rio, de grosses pierres noires polies par l'action des eaux. Il en prit une et la brisa. « Superbe découverte !» dit-il au duc de Clodion qui l'accompagnait, en tirant des canards sauvages. « Cette pierre noire est de la houille de première qualité. »« Et que prétendez-vous en faire ?» répondit Jean en souriant. « Auriez-vous l'intention d'ouvrir une fabrique ici ou d'établir un railway à l'usage de messieurs les sauvages ?»« Cela pourra bien arriver un jour, » reprit l'illustre savant. « En attendant, je ferai avec ce charbon des briques réfractaires pour fondre l'or de nos pépites. Vous songeriez à changer notre or en lingots ? Afin de transporter plus facilement notre trésor, oui, mon cher duc. Mais cette houille ne suffit pas. Il faut que je trouve une terre pour la confection de mes briques. Mais il vous faudra préalablement construire un four afin de les faire cuire, répliqua Jean. Nullement, dit Cabarrox. J'emploierai pour leur fabrication le procédé dont se servent les charbonniers pour convertir le bois en charbon. La journée n'était pas achevée que notre savant avait trouvé la terre spéciale dont il avait besoin. Grâce à l'obligeance des Comanches, cette terre fut transportée dans les moules pratiqués dans le sable par le docteur, tout auprès des blocs de houille ramassés sur les bords du rio. Les choses marchèrent si bien et si rapidement que les briques réfractaires étaient cuites avant le départ de la petite caravane pour la caverne mystérieuse. Cabarrox avait également le temps d'établir les creusets dans lesquels les pépites devaient être fondues, puis coulées dans les moules. Le lendemain matin, tout était en mouvement dans le camp des Comanches. Le moment fixé pour l'excursion était arrivé. Des sacs faits avec les peaux de bison tanné devaient transporter les blocs d'or sur le dos des chevaux et l'on s'était muni de vivres pour 4 jours. Le chef indien marchait en tête de la troupe. Jean de Clodion venait ensuite, puis le docteur, et enfin les 8 guerriers Comanches, tous à la file, selon le mode en usage chez les peuples sauvages de l'Amérique. On suivit pendant toute la journée l'étroite vallée d'où sortait le rio qui, de temps à autre, recevait dans son parcours des affluents venus des prairies voisines. Lorsque le soir fut arrivé, on dressa des tentes et l'on alluma de grands feux avec des troncs d'arbres que le cours d'eau avait entraînés. Le lendemain, au lever du soleil, on se remit en marche, toujours en suivant les bords du rio. Vers le milieu de la journée, la petite troupe se trouvait devant un mur de granit, du haut duquel la rivière se précipitait en forme de cascade. « Nous voici complètement barrés, » dit l'illustre savant. « Nous laissons ici nos chevaux, » répondit le chef indien, « et pendant qu'ils se reposeront, nous monterons au-dessus de la cascade. C'est là que s'ouvre la porte de l'endroit qui renferme l'or. » « Remonter la cascade, mais c'est impossible, » repartit le duc Jean, « car cette muraille de rochers est infranchissable. Nous ne remonterons pas la cascade, mais nous la tournerons, » dit l'Indien. Jean de Clodion et le docteur le regardèrent avec étonnement. Il sourit silencieusement, puis leur fit signe de le suivre. La rivière se précipitait d'une hauteur de plus de 100 mètres dans la vallée, mais en tombant, elle laissait libre la base du rocher. C'est à peine si un brouillard humide venait l'atteindre, et en suivant une sorte de corniche, on arrivait derrière la cascade. L'Indien, après avoir donné l'ordre d'entraver les chevaux, se dirigea avec ses 8 Comanches vers cette corniche, et au bout de quelques minutes, ils disparurent derrière la nappe d'eau. Lorsque Cavarox et le duc Jean les eurent rejoints, tous deux poussèrent une exclamation de surprise. Au bas du rocher s'ouvrait un immense caveau qui remontait dans l'intérieur de la montagne. Nous sommes probablement dans l'ancien lit du torrent, dont une commotion de la nature ou une éruption volcanique a changé le cours, dit l'illustre savant après une rapide inspection des lieux. En effet, répondit le chef Comanche, il y a près d'ici un volcan, et c'est dans un de ces cratères que nous trouverons la chambre de l'or. Assez longue fut l'ascension. La galerie souterraine faisait de nombreux circuits et il existait certains passages qu'on ne pouvait franchir qu'en s'aidant des mains et des pieds à la façon des chasseurs alpestres. Bientôt on aperçut une sorte de lueur jaune qui indiquait la fin de la caverne. Quand la petite troupe fut parvenue en cet endroit, un spectacle imposant s'offrit au regard. Le sommet de la montagne formait une vaste table crevassée, et à travers ces crevasses apparaissaient de légers filets de fumée. En arrière de cette plateforme, une autre montagne plus élevée que la première se dressait. Elle était formée de blocs énormes entassés les uns sur les autres. Rien de plus terrible que l'aspect de ce site dévasté qui réalisait toutes les horreurs du chaos. La cascade tombait de ses hauteurs avec le fracas du tonnerre. Cavarox, après avoir jeté un coup d'œil attentif sur cet endroit désolé où nul arbre, nulle plante n'avait poussé, se rendit parfaitement compte de la déviation de la rivière. Un gigantesque quartier de roches avait, en tombant, obstrué l'ancien lit. Ce fut vers l'une de ces fissures volcaniques que le chef indien conduisit ses 2 compagnons d'ascension. Cette fissure s'ouvrait à 2 mètres seulement au-dessus du torrent. « Voici la chambre de l'or, » leur dit-il. Tous les 3 entrèrent alors dans une sorte d'antre spacieux, et bientôt ils aperçurent de gros cailloux d'une teinte jaunâtre. Le docteur et le duc Jean en ramassèrent 2. C'étaient des pépites d'or. Le chef Comanche ne les avait pas trompés. Il foulait sous leurs pieds des richesses incommensurables. Pendant 2 instants, ils demeurèrent comme éblouis et fascinés. Quant à l'Indien, il regardait impassible ces immenses trésors auxquels il n'attachait aucune importance. Lorsque le premier moment de leur surprise se fut calmé, Cavarox et le jeune duc se préoccupèrent des moyens de transporter leurs pierres d'or. Sur un signe du chef, les 8 Comanches jetèrent à terre les sacs de cuir qu'ils avaient apportés. L'or, on le sait, est fort lourd. On ne put donc placer dans les sacs qu'un nombre assez restreint de pépites, et il fallut plusieurs voyages pour effectuer le transport de ce précieux minerai. Quand la nuit fut venue, on voyait amonceler au bas de la montagne une quantité suffisante de pépites pour faire la charge des 8 chevaux qui avaient été amenés. Chaque sac pouvait, au bas mot, contenir 1 million.